L'allumette craque et le feu brandit, sa lumière d'étoile et sa chaleur de vie. La nuit se dévoile sous son plus beau jour, prisonnière d'étoiles peinte par l'amour. Ah, ah, ah. L'envie se précise et la bougie s'allume, un halo d'ange pâle éclaire en pleine brume. La lumette s'éteint d'une brise soudaine, mais reine du matin, la nuit sera tienne. Ah, ah, ah. La vie se précise et la bougie consume, peu à peu sa mèche, ton regard s'embrume. Tu t'endormiras d'un sommeil de plume, et le jour viendra me voler ma fortune. Ah, oh, ah, oh. Si la porte claque comme le feu grandit, réveillant tout le mal que tu ne m'as pas dit, tu auras mis les voiles et dans le pays sourd, d'une voix animale, je pleurerai mon amour. Ah, oh, ah, oh. Et le feu brandit sa lumière d'étoile et sa chaleur vie. Je crois que c'est fini.